بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On va commencer maintenant le cours 6 dans l'explication du hadith de Riyad al-Salihin. Naam. Donc, on est toujours dans le chapitre sur Al-Ikhlas. Et le hadith qu'on va lire maintenant, c'est le hadith numéro 7 dans l'édition que j'ai avec moi. C'est incroyable. Tu vois, par exemple, sur Internet, des fois, tu écris, par exemple, un Nawawi, puis ils te sortent un dessin, là, avec un bonhomme, comme si c'était l'image de l'imam un Nawawi. Subhanallah. Ça, c'est terrible. Et ça fait pas partie de la tradition des musulmans de faire des images des savants ou des hommes pieux ou des prophètes ou des messagers. Ça, c'est des choses qu'on retrouve seulement chez les chrétiens, chez les juifs et chez les chiites aussi. J'ai vu chez les chiites, subhanallah, dans leurs magasins, leurs boutiques religieuses, là, ils vendent des photos de Ali, radiallahu anhu, de Al-Hassan ou Al-Hussein, et ils accrochent ça dans leur voiture, ils mettent ça dans leur maison. Et ils le dessinent d'une façon, là, tu dis, Ajib, comment... C'est ça qui est... C'est dommage, franchement. Donc, le hadith numéro 7, c'est le hadith suivant. On va le lire en arabe, puis après, on va traduire, inshallah. Donc, il dit, « وَعَنَّ أَبِي إِسْحَاقِ سَعْدِ بْنَ أَبِي وَقَّاسِ وَسَعْدِ بْنَ أَبِي وَقَّاسِ مَالِكِ بْنُهُ أُهَيْبِ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنُ عَبْدِ مَنَافِ ابْنُ زُهْرَة ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي القرشي الزهري. يعني ça c'est le nom de Saad. Ils ont mis toute sa généalogie, en tout cas une grande longue généalogie. يعني سبحان الله. Donc sa kunya c'est Abu Ishaq et son nom c'est Saad ibn Abi Waqqas. Donc son père qui est Son père, sa kunya, c'est Abi Waqqas. Mais son nom, le nom de son père, c'est Malik ibn Uhayb. Donc c'est Malik, le fils de Uhayb, le fils de Abdou Manaf, le fils de Zuhra, le fils de Kilab, le fils de Murra, le fils de Ka'b ibn Lu'ay, hein, le fils de Lu'ay, al-Qurashi al-Zuhri, radiyallahu anhu. Et l'imam al-Nawawi, il dit, « Ahadul Ashra » المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم. Il fait partie des 10 à qui on a promis le paradis. Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a témoigné qu'il sera au paradis. Donc Saad ibn Abi Waqqas, il était en même temps mustajab al-da'wa, c'est-à-dire chaque fois qu'il invoquait Allah pour quelque chose, Allah l'exaucait à chaque fois. Hein? Donc ça c'est celui qui a rapporté le hadith. Il dit, قال, جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي فقلت يا رسول الله إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت فالشرط يا رسول الله. فقال لا. قلت فالثلث يا رسول الله. قال الثلث والثلث كثير أو كبير. إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. قال فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي. قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة ولعلك أن تخلف حتى ينفع بك أقوام ويضر بك آخرون اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم ولكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة متفق عليه. D'accord, donc ça c'est un hadith, mashallah. Il y a beaucoup de fawaïd, beaucoup de points bénéfiques dans ce hadith-là et on va voir, inshallah, justement, par rapport à ça. Ici, le cheikh, il explique, il cite ce hadith, donc j'ai dit déjà que c'était selon Sa'd ibn Abi Waqqas, son nom, c'est, sa kunya, c'est Abu Ishaq. Et il dit donc qu'il fait partie des 10 qui ont été promis au paradis. Et il dit que Saad, il dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est venu me visiter l'année de Hajjatul Wada, c'est-à-dire le Hajj d'adieu. Et il est venu me visiter à cause d'une douleur que j'avais qui était très, hein, très forte. Il était blessé ou il était malade. Et quand le messager d'Allah est venu, j'ai dit, ô messager d'Allah, ô messager d'Allah, j'ai cette douleur qui m'a atteint, telle que tu vois. Hein? Donc il était blessé ou bien il avait une douleur et c'est comme si on dirait qu'il s'attendait que peut-être qu'il allait mourir bientôt. Hein? Alors, il a dit, hein, ô messager d'Allah, j'ai cette douleur qui a atteint, hein, qui m'a atteint et qui, yani, tel que tu le vois maintenant, que, yani, il est au lit, il peut pas bouger. Il a dit, et j'ai de l'argent et je n'ai personne pour m'hériter, hein, qui va hériter de moi, excepté une fille, hein, une de mes filles. C'est-à-dire, j'ai seulement une fille comme héritière. Est-ce que je pourrais donner en sadaqa, c'est-à-dire en aumône, le tiers de mes biens? Et il a dit non. Pardon. Il a dit thuluthay mali. C'est-à-dire, est-ce que je peux donner en sadaqa le deux tiers de mes biens? Et c'est là que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit non. Il a dit, alors, si je ne peux pas donner deux tiers, est-ce que je peux donner la moitié? Ô messager d'Allah, il lui a dit non. Alors il a dit, alors dans ce cas, est-ce que je peux donner le tiers de mes biens au messager d'Allah, en sadaqa, en charité? Il a dit, le tiers tu peux, mais le tiers c'est encore là, encore beaucoup. Hein? Il dit, c'est ce que tu laisses, de laisser tes héritiers riches, c'est meilleur que de les laisser, hein, dans le besoin, en train de tendre la main aux gens. Et il dit, et il n'y a pas une dépense que tu vas faire par laquelle tu recherches le visage d'Allah en dépensant de tes biens pour ta famille, hein, excepté que tu seras récompensé pour ça. Il dit, même ce que tu mets dans la bouche de ta femme comme nourriture. Alors j'ai dit, ô messager d'Allah, hein, est-ce que je vais... C'est-à-dire, est-ce que mes compagnons vont vivre après moi? Je vais mourir, puis mes compagnons vont rester après moi? C'est-à-dire, hein? C'est-à-dire qu'après moi, il y aura de mes compagnons qui vont rester et demeurer. Il dit, si jamais tu survis les autres et que tu fais quelque chose pour le visage d'Allah, eh bien, ça ne va faire que t'élever en degré, hein, et en statut. Et il dit, et il se peut que c'est ça, il se peut que ta survie soit bénéfique pour les gens, c'est-à-dire les musulmans, et nuisait pour les autres, c'est-à-dire les ennemis de l'islam. Et il dit, tu vas survivre, hein, d'autres. Et il y a des gens qui vont profiter de toi et d'autres qui vont être, yani, qui vont souffrir de ta survie. Et donc, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, oh Allah, complète pour mes compagnons leur hijra et ne fais pas qu'ils, yani, ne fais pas, ne les fais pas revenir. C'est ça. Il dit, tandis que Sa'd ibn Khawla, un autre qui s'appelait Sa'd, lui, il est décédé. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a été triste d'apprendre sa mort à Mecca. Parce que les compagnons qui avaient fait la hijra à Médine avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, eux ne pouvaient pas rester à Mecca. Il devait revenir à Médine avec. Hein, il ne devait pas rester plus que 3 jours à Mecca. Bon, tout ça, on va lire l'explication. Qu'est-ce que Cheikh Ibn Uthaymin a dit à ce sujet-là? Il dit: وقال المؤلف رحمه الله فيما نقله عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه يعوده في مرض ألم به وذلك في مكة ولكن سعد بن أبي وقاص من المهاجرين الذين هاجروا من مكة إلى المدينة فتركوا بلدهم لله عز وجل وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعود المرضى من أصحابه كما أنه يزور من يزور منهم لأنه صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس خلقا على أنه الإمام المتبوع صلوات الله وسلامه عليه وكان أحسن الناس خلقا وألينهم بأصحابه وَأَشَدُّهُمْ تَحَبُّبًا إِلَيْهِمْ. Donc ici, le cheikh, il explique que Sa'd ibn Abi Waqqas, c'est lui qui a rapporté ce hadith, radiyallahu anhu, du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est venu le visiter lors de sa maladie, lorsqu'il souffrait, il était à Mecca. Et Sa'd ibn Abi Waqqas fait partie des muhajirines, ceux qui ont quitté la Mecque, hein, pour aller à Médine, et qui ont laissé leur pays pour Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu le visiter ici parce qu'il faisait partie de son bon comportement et de ses habitudes d'aller visiter ceux d'entre ses compagnons qui étaient malades parce qu'il avait le meilleur des comportements et que c'est lui le guide qu'on suit, alayhi salatu wa sallam, et par conséquent il avait le meilleur comportement et il était le plus doux envers ses compagnons et il recherchait toujours à être aimé d'eux. Et il dit: فجاءه يعوده فقال يا رسول الله إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى أي أصابه الوجع العظيم الكبير وأنا ذو مال كثير أو كبير أي أن عنده مالا كبيرا ولا يرثني إلا ابنة لي أي ليس له ورثة بالفرض إلا هذه البنت أتصدق بثلثي مالي أي 2/3 فقال لا قلت الشطر يا رسول الله أي النصف قال لا قلت فالثلث قال الثلث والثلث كثير قوله أفأتصدق أي أعطيه صدقة فمنع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك لأن سعدا في تلك الحال كان مرضا يخشى منه الموت فلذلك منعه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بأكثر من الثلث لأن المريض مرض الموت يعني المخوف عليه المخوف لا يجوز أن يتصدق بأكثر من الثلث لأن ماله قد تعلق به حق الغير وهم الورثة أما من كان صحيحا ليس به مرض أو فيه مرض يسير لا يخشى منه الموت فله أن يتصدق بما شاء بالثلث أو بالنصف أو بالثلثين أو بماله كله لا حرج عليه لكن لا ينبغي أن يتصدق بماله كله إلا إن كان عنده شيء يعرف أنه سوف يستغني به عن عباد الله. المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم منعه أن يتصدق بأكثر من الثلث، قال الثلث والثلث كثير أو كبير، وفي هذا دليل على أنه إذا نقص عن الثلث فهو أحسن وأكمل. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. Donc ici le cheikh il dit que il est donc le prophète صلى الله عليه وسلم est donc venu le visiter alors qu'il était malade. Et le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم quand il est venu, Saad lui a dit: oh messager d'Allah, tu vois à quel point cette douleur ou cette maladie m'a atteint. Donc il a été vraiment frappé de Dieu par cette maladie-là. Et il a dit: et j'ai de l'argent. J'ai beaucoup d'argent. Et il dit: j'ai personne comme héritière excepté une fille. Est-ce que je peux donner 2/3 de mes biens en sadaqa pour avoir la récompense? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit non. Il a dit: et la moitié, est-ce que je peux donner la moitié? Il a dit non. Et il a dit: est-ce que je peux donner le tiers alors? Il a dit le tiers, et le tiers c'est beaucoup. Alors ici le cheikh explique que il voulait demander la permission de donner en aumône, en charité, son argent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a interdit à Saad à ce moment-là de donner plus que le tiers de ses biens, parce qu'il était malade d'une maladie dont il craignait la mort. Et le cheikh, il explique que à cause de ça, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a interdit de donner plus que le tiers de ses biens. Pourquoi? Parce que la personne qui craint la mort lorsqu'elle est malade d'une maladie dont il peut mourir, il n'a pas le droit à ce moment-là de donner plus que le tiers de ses biens, parce que son bien est maintenant rattaché au droit de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire ses héritiers. Donc, à partir du moment qu'il est malade et qu'il est mourant et qu'il craint de mourir à cause de cette maladie-là, il n'a plus le droit à ce moment-là de donner ses biens comme il veut. Il faut qu'il tienne compte du droit de ses héritiers à ce moment-là. Par conséquent, il n'a pas le droit de donner plus que le tiers. Et on sait que même dans l'héritage par rapport au testament, si quelqu'un il laisse un testament à des gens en dehors de ses héritiers, il ne peut pas leur laisser plus que le tiers de ses biens. Et le cheikh il dit donc ici, si la personne avait été en bonne santé et qu'il n'était pas malade, ou qu'il était malade mais d'une maladie qui n'est pas grave, et qu'il ne craint pas la mort de cette maladie-là, à ce moment-là, il aurait pu donner comme il veut de ses biens, le tiers, la moitié, le 2/3, ou même tous ses biens s'il voulait. Il n'y aurait pas eu d'empêchement à ce moment-là, parce que il peut faire ce qu'il veut avec son argent. Il dit toutefois, il ne doit pas donner en sadaqa tous ses biens, excepté s'il sait qu'il en aura d'autres par la suite par lesquels Allah va pouvoir l'enrichir. Comme il enrichit, et il ne va pas être obligé de demander de l'argent aux gens par la suite. Si toi, tu as de l'argent et que tu donnes aux gens tout ce que tu possèdes, tu le donnes aux gens en sadaqa, puis le lendemain, tu t'en vas dans la rue pour mendier, il n'y a pas tellement de bon sens là-dedans. D'accord? Donc, il faut vraiment, si tu donnes tes biens, il faut garder une partie quand même pour que tu puisses justement faire en sorte que tu n'aies plus à demander à quiconque quoi que ce soit. Après, le cheikh il dit que l'important à comprendre par rapport à cette histoire-là ici, c'est que tu ne peux pas donner en sadaqa plus que le tiers, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « et le tiers c'est beaucoup ». Et il y a la preuve là-dedans que de donner moins que le tiers c'est meilleur et c'est mieux. Comme Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma disait, si les gens diminuaient à moins que le tiers et qu'ils donnaient au lieu du tiers le quart, ce serait préférable, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit et le tiers c'est beaucoup. Il dit wa qala Abu Bakr radiyallahu anhu arda ma radiyahu Allah li nafsihi يعني الخمس فاوصى بالخمس رضي الله عنه. Donc il dit que Abu Bakr radiallahu anhu, lui, il dit, moi je suis satisfait de ce que Allah a agréé pour lui-même, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné que on garde pour lui et son messager le cinquième. Hein? Donc il dit, moi je suis satisfait de ce que Allah a été satisfait pour lui-même, c'est-à-dire le cinquième. Et donc Abu Bakr radiallahu anhu, il était satisfait du cinquième. Il dit, فَهَذَا فَبِهَذَا نَعْرِفُ أَنَّ عَمَلَ النَّاسَ الْيَوْمِ مِنْ كَوْنِهِمْ يُوصُونَ بِالثُّلُثِ خِلَافَ الْأَوْلَى وَإِنْ كَانَ هُوَ جَائِزًا لَكِنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ يَكُونَ أَدْنَى مِنَ الثُّلُثِ إِمَّا الرُّبْعُ أَوْ الْخُمُسِ. Donc il dit, donc on sait maintenant par rapport à ça que ce que les gens font aujourd'hui, du fait qu'ils laissent en testament un tiers de leurs biens, c'est contraire à ce qui est préférable. Puisque même si c'est permis, c'est préférable de laisser moins que le tiers, comme par exemple le quart ou le cinquième, ça c'est meilleur. Il dit, وَقَالَ فُقَهَاؤُنَا رَحِمَهُمُ اللَّهِ وَالْأَفْضَلْ أَنْ يُوصِيَ بِالْخُمُسْ لَا يَزِيدُ عَلَيْهِ اِقْتِدَاءً بِأَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. Le Cheikh il dit, et qu'est-ce qui est préférable, comme nos savants l'ont mentionné, qu'Allah leur fasse miséricorde, que yani, c'est de donner pas plus qu'un cinquième de tes biens en testament, comme exemple, en suivant comme exemple Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Le Cheikh il dit ensuite, ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. أي كونك تبقي المال ولا تتصدق به حتى إن إذا مت وورثته الورثة وورثه الورثة صاروا أغنياء به وهذا خير من أن تذرهم عالة لا تترك لهم شيئا يتكففون الناس أي يسألون الناس بأكفهم أعطونا أعطونا وفي هذا دليل على أن الميت إذا خلف مالا للورثة فإن ذلك خيرا له لا يظن الإنسان أنه إذا خلف المال وورثه وورث منه قهرا عليه أنه لا أجر له في ذلك لا بل له أجر حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال خير من أن تذرهم عالة إلى آخره لأنك إذا تركت المال للورثة انتفعوا به وهم أقارب وإن تصدقت به انتفع به الأباعد والصدقة على القريب أفضل من الصدقة على البعيد على البعيد لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة وقوله يا رسول الله أخلف بعد أصحابي. Donc ici le cheikh il explique que يعني, ensuite le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم lui a dit, c'est préférable pour toi de laisser tes héritiers riches que de les laisser pauvres en train de tendre la main aux gens, hein, de demander aux gens. Et donc il explique le cheikh ici que yani, c'est mieux donc que tes héritiers soient riches après toi à cause de l'argent que tu leur laisses, hein, que de les laisser pauvres, puis ils vont tendre la main aux gens, puis ils vont dire donnez-nous, donnez-nous. Donc ça c'est la preuve que le mort, lorsqu'il laisse de l'argent pour ses héritiers, ben, c'est un bien pour lui. Hein? C'est comme s'il leur faisait une sadaqa en même temps. Il sera récompensé pour ça. Il dit, malgré que eux, ils vont hériter de toi par la force des choses, de toute façon, c'est sûr. Mais malgré ça, il y a une récompense pour toi dans cet héritage-là, même si c'est, hein, par la force qu'ils héritent. Il dit, il y aura quand même une récompense. Et la preuve de ça, c'est que même que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, c'est meilleur de les laisser riches que de les laisser pauvres. Ça veut dire que si tu les laisses, hein, tu leur laisses des biens, eh bien, tes héritiers vont profiter de ça. Ils sont des proches. Hein? Ils font partie de ta famille. Ce sont tes proches. Ils ont des liens de sang avec toi. Et ça, c'est meilleur, donc, pour toi, que tes proches profitent, que ce soit des gens plus éloignés. Il dit, la raison de ça, c'est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est mentionné dans d'autres hadiths, il a mentionné que la sadaqa, l'aumône que tu fais à un proche, elle a plus de valeur que l'aumône que tu donnes à quelqu'un d'éloigné. Et dit la raison de ça, c'est parce que lorsque tu donnes à un proche, de un, c'est une sadaqa, mais en plus d'être une sadaqa, c'est une sila. C'est-à-dire, c'est un moyen de garder les liens de parenté avec cette personne. Donc, c'est doublement important et ça a une double plus de valeur que si tu l'as donné à quelqu'un avec qui tu n'as aucun lien de parenté. Après, le cheikh, il dit « Wa qawluhu ya Rasulallah, ukhallaf ba'da ashabi » فقال إنك لن تخلف بل قال قبل ذلك وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا يعني أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك يعني تنفق نفقة أي مالا إما من الدراهم أو من الدنانير أو الثياب أو الفرش أو طعاما أو غير ذلك تبتغي به وجه الله إلا أجرت عليه والشاهد من هذا قوله تبتغي به وجه الله أي تقصد به وجه الله عز وجل بدخولك الجنة ورؤيته سبحانه وتعالى فيها لأن أهل الجنة جعلني الله وإياكم منهم يرون الله سبحانه وتعالى وينظرون إليه عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب وكما يرون القمر ليلة البدر يعني أنهم يرون ذلك حقا فقال إنك لن تنفق أو لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك أي حتى اللقمة التي تطعمها امرأتك تؤجر عليها إذا قصدت بها وجه الله مع أن الإنفاق على الزوجة أمر واجب لو لم تنفق لقالت انفق أو طلق انفق أو طلق ومع هذا إذا أنفقت على زوجتك تريد به وجه الله أجرك الله على ذلك وكذلك إذا أنفقت على أولادك إذا أنفقت على أمك وعلى أبيك هل إذا أنفقت على نفسك تبتغي بذلك وجه الله فإن الله يثيبك على هذا يعني فإن الله يثيبك على هذا بل إذا أنفقت على نفسك تبتغي بذلك وجه الله فإن الله يثيبك على هذا. Donc ici le cheikh il explique que ensuite bon le prophète صلى الله عليه وسلم a dit donc tu ne vas pas dépenser quoi que ce soit par la dans lequel tu la, une chose que tu vas dépenser et que tu fais pour le visage d'Allah excepté que tu seras récompensé pour ça. Donc même ce que tu mets dans la bouche de ta femme, tu auras une récompense pour ça. Et le cheikh explique que peu importe qu'est-ce que tu dépenses, que ce soit des pièces d'or, des pièces d'argent, des vêtements, des lits, de la nourriture, peu importe. Si tu le donnes et tu dépenses de ces choses-là dans le but d'obtenir l'agrément d'Allah et tu recherches le visage d'Allah en faisant ça, eh bien tu seras récompensé pour ça. Et c'est ici le point, c'est en recherchant le visage d'Allah qui est important. C'est-à-dire d'avoir comme intention le fait de vouloir plaire à Allah et chercher son agrément et de vouloir son visage dans le sens que tu veux voir Allah, tu veux voir son visage au jour de la résurrection. Parce que les gens du paradis, et le cheikh il fait un doua en même temps, il dit que Allah fasse que je sois ainsi que vous-même parmi ceux qui font partie de ces gens-là, eh bien ils vont voir Allah au jour de la résurrection avec leurs yeux. Comme on voit le soleil en plein jour quand il n'y a pas de nuages et comme on voit la nuit lorsque c'est la pleine lune et qu'il n'y a pas de nuages. Donc de la même façon qu'on n'a aucune difficulté de voir le soleil et la lune dans ces situations-là, eh bien on verra Allah subhanahu wa ta'ala de cette façon aussi facile, sans aucune complication, aucune difficulté au paradis. Et il dit, vous allez le voir réellement. Donc, c'est ça qu'on devrait avoir comme intention lorsqu'on dépense dans le sentier d'Allah et lorsqu'on donne de nos biens et qu'on dépense de nos biens, on devrait avoir comme intention le fait de vouloir voir Allah subhanahu wa ta'ala et chercher son visage. Et le cheikh, il explique ensuite, donc il dit que donc tout ce que tu dépenses pour le tu le dépenses pour le visage d'Allah, eh bien tu auras une récompense pour ça, même ce que tu mets dans la bouche de ta femme. C'est-à-dire que même la bouchée de nourriture que tu mets dans la bouche de ta femme, eh bien, il y aura pour ça une récompense pour toi parce que tu as eu comme intention le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et malgré que le fait de nourrir ta femme, c'est une obligation pour toi. Et que si tu ne le fais pas, elle risque de te dire, soit que tu me donnes ce qui me revient, hein, tu dépenses pour moi, ou bien sinon, divorce-moi. Hein, tu n'as pas le choix. Mais Si tu dépenses pour elle et tu la nourris, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala te récompense pour ça du moment que ton intention, lorsque tu le fais, c'est le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, il dit la même chose aussi pour tes enfants. Hein? La même chose aussi lorsque tu dépenses pour ta mère et pour ton père. Et il dit la même chose lorsque tu dépenses sur ta propre personne. Et que ton intention en dépensant pour toi-même, c'est de rechercher le visage d'Allah, Allah il va te récompenser même pour ce que tu as dépensé sur ta propre personne. Et le cheikh il dit thumma qala subhanahu wa thumma qala radiyallahu anhu ukhallafu ba'da ashabi yani ukhallaf ba'da ashabi ay hal ata'akhkhar ba'da ashabi fa amutu bi Makkah. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يخلف فقال إنك لن تخلف وبين أنه لو خلف ثم عمل عملا يبتغي به وجه الله لازداد به عند الله درجة ورفعة يعني لو فرض أنك خلفت ولم تتمكن من الخروج من مكة وعملت عملا تبتغي به وجه الله فإن الله سبحانه وتعالى يزيدك به رفعة ودرجة رفعة في المقام والمرتبة ودرجة في المكان فيرفعك الله عز وجل في جنات النعيم درجات حتى لو عملت بمكة وأنت قد هاجرت منها. نعم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولعلك تخلف أن تخلف هنا غير أن تخلف الأولى لعلك تخلف أن تخلف أي أن تعمر في الدنيا وهذا هو الذي وقع فإن سعد بن أبي وقاص عمر زمانا طويلا حتى أنه رضي الله عنه كما ذكر العلماء خلف 17 ذكرا واثنتي عشرة بنتا سبحان الله وكان في الأول ما عنده إلا بنت واحدة ولكن بقي وعمر ورزق أولادا قوله حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون وهذا الذي حصل فإن سعدا رضي الله عنه خلف وصار له أثر كبير في الفتوحات الإسلامية وفتح فتوحات عظيمة كبيرة فانتفع به أقوام وهم المسلمون وضر به آخرون وهم الكفار. Donc ici le cheikh il explique que نعم il dit que Saad ibn Abi Waqqas رضي الله عنه a demandé est-ce que je vais être laissé derrière après mes compagnons et le prophète صلى الله عليه وسلم a dit non tu vas pas être laissé derrière. Et il dit et de toute façon yani, donc c'est ça il a dit est-ce que je vais être laissé derrière yani, derrière mes compagnons, c'est-à-dire est-ce que je vais rester derrière et je vais mourir à Makkah. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a expliqué qu'il ne va pas être laissé derrière et il lui a expliqué que même si il était laissé derrière, eh bien, et puis que par la suite il fait des actions par lesquelles il recherche le visage d'Allah, excepté que yani, il augmenterait en degré et en élévation par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que si on suppose que tu serais laissé derrière, et que tu ne serais pas capable de sortir de la Mecque, eh bien, tu ferais des actions, ou bien tu as fait des actions par lesquelles tu as cherché le visage d'Allah, et que Allah va à cause de ça t'élever en degré et en statut et en élévation. Et il explique que Allah subhanahu wa ta'ala donc va t'élever dans les degrés, dans le paradis, dans les jardins de délices. Et il dit, même si c'est ça, c'est-à-dire même si tu faisais des bonnes actions à Mecca après avoir fait la hijra pour aller à Médine, yani, tu aurais des récompenses et tu serais élevé en degré auprès d'Allah. Ensuite, il a dit, et c'est possible que tu vives longtemps après ça, c'est-à-dire dans la dunya. Et c'est ce qui est arrivé justement à Sa'd ibn Abi Waqqas, puisqu'il a vécu plusieurs années par la suite. Et il dit que, même que les ulama ont mentionné qu'il a laissé après lui 17 garçons et 12 filles. Donc, alors qu'à ce moment-là, il n'avait qu'une seule fille. Il disait, est-ce que je peux donner deux tiers de mes biens? Finalement, au moment de sa mort, lorsqu'il est décédé, radiyallahu anhu, il avait 17 garçons et 12 filles, subhanallah. Ça fait 29 enfants, subhanallah. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala l'a béni dans ça. Et il dit ensuite, le cheikh, que ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et peut-être que il y a des gens qui vont profiter par ta vie, du fait que tu vas vivre longtemps, il y en a qui vont en profiter et il y en a d'autres pour qui ça va être nuisible. Et effectivement, Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu a été parmi les compagnons qui ont vécu longtemps par la suite radiyallahu anhum, et qui ont participé, qui ont eu un grand impact dans les grandes conquêtes de l'islam, et qui ont été parmi ceux qui ont conquis des grands empires, pour les musulmans par la suite. Donc ça a fait du tort aux kuffars par la suite à cause de ça. Et il y a la grande bataille qu'on appelle Al-Qadisiyah, je pense, contre la Perse. Et c'est dans cette bataille, justement, Sa'd ibn Abi Waqqas, qui était l'amir, le gouverneur de cette armée, qui a justement eu la victoire contre l'Empire perse de l'époque. Donc il a eu des grandes conquêtes et il a fait des grands exploits dans le sentier d'Allah. Et tout ça, c'est un exemple. Alors qu'à ce moment-là, l'année du Hajj d'un dieu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il pensait mourir à ce moment-là. Finalement, son heure n'était pas encore venue et c'est plus des années après qu'il est mort, et Allah subhanahu wa ta'ala l'a béni et lui a donné beaucoup justement d'enfants, beaucoup de biens et beaucoup de victoires et de conquêtes qu'il a fait pour l'islam et les musulmans. Donc ça c'est le hadith en question. On n'a pas fini de l'expliquer parce qu'il y a d'autres points que le cheikh il va mentionner par la suite, mais pour aujourd'hui on va s'arrêter ici inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. À demain inshallah.